personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. S'il a dit oui pour ton mariage, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Les marabouts ne peuvent dire non. Personne ne peut dire non. Les pétitions ne peuvent dire non. Personne ne peut dire non. If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. Nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. Oh, nobody can say no. Nobody can say no. Oh, nobody can say no. Nobody can say no. Oh, nobody can say no. Nobody can say no. Yeah, nobody can say no. Nobody can say no. Je le vois pas, il est là. Mais où il est? Il est là. Je vais chercher, chercher, il est là. Chercher, chercher, il est là. Chercher, chercher, il est là. Chercher. Oh, il est là. Il est dans ta maison. Il est là. Il est dans ton foyer. Il est là. Il est dans tes affaires. Il est là. Partout où tu vas. Il est là. Partout où tu es. Il est là. Jésus est là. Il est là. Mon roi est là. Il est là. Mon Dieu est là. Il est là. Partez les mains, partez les mains.